c'est ça, freestyle. Ok. Bienvenue sur Freestyle, l'émission des cultures urbaines. On reprend tout à zéro, on reprend tout à zéro. On s'active sur Radioactive. Faut de l'espoir pour réussir, ici c'est Freestyle. Bonsoir à tous, bienvenue sur Freestyle, votre émission consacrée aux cultures urbaines. 94.7, 93 FM, de Tournord à Blois, c'est sur Radioactive que ça se passe. Ce soir, un plaisir personnel. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Lo 47 ce soir. Yes. Bonsoir Lo. Bonsoir. Bienvenue sur Radioactive. Merci mon gars. Bon, Lo, on commence à se connaître. Bien sûr. Ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on se connaît. Bientôt 2 ans qu'on bosse ensemble. Yes. T'es impliqué dans mon projet Dragon Fear Z, dans tous les domaines, en tant qu'ingénieur du son, en tant que beatmaker, ouais, en tant que rappeur. Des fois, tu fais les trois d'un coup. Donc c'est un plaisir particulier pour moi de te recevoir ce soir pour plaisir faire partagé. Découvrir à nos auditeurs ton nouveau projet sur toutes les plateformes, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal qui s'appelle Du Nombre à l'Autre. Exactement. Ouais. Combien un EP, combien de titres ? 9 titres. 9 titres. Donc voilà, comme je disais, c'est disponible absolument partout. Lo 47, tes influences, raconte-nous un petit peu d'où tu viens et puis tes influences un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Rappeur sarcellois, j'ai grandi à Sarcelles, avant de me barrer, de partir sur la côte d'Azur du côté de Nice, avant de me barrer et de venir du côté de Blois. Mes influences, le rap new-yorkais notamment, des années 80-90, qui avait une empreinte bien particulière. Et puis voilà, hein, donc surtout pour le beatmaking notamment. Et puis après le rap, ben les influences, elles sont multiples, puisque tu te nourris toujours de tout ce que t'écoutes, tout ce que t'entends généralement, tu vois, même involontairement. Hein, et puis voilà quoi. On disait à nos auditeurs qu'en fait tu as les trois casquettes, le beatmaking. T'es rappeur aussi, yes. Et t'es aussi ingénieur du son. C'est quelle casquette tu préfères? Ouais, le beatmaking. Le beatmaking, ouais, parce que le beatmaking, t'es entre guillemets seul avec ton kiff, seul avec tes machines, seul avec tu vois, ton inspiration. Ingénieur du son, c'est cool, mais faut souvent faire avec les envies des personnes avec qui tu travailles, tu vois, les envies, les besoins, les attentes. Absolument. Ouais. Tu vois, donc t'es dans un kiff, moins égoïste que moi. J'aime le beatmaking parce que je suis vraiment sur mes inspirations, sur ce que j'aime. Je suis dans un kiff à 100%. Quand en tant qu'ingénieur du son, je serais dans un kiff à 89%, tu vois. Et en tant que rappeur, je serais dans un kiff à, je sais pas, 92%, 95%, tu vois. Donc voilà, je kiffe les trois des degrés différents. Ok, t'es donc rappeur new-yorkais. Yes. Rappeur sarcellois. Ouais, non, mais avec des inspirations new-yorkaises. Ouais, tes inspirations. Je veux pas faire l'américain. Ouais, mais pourtant, de ce que j'écoute, c'est très, ouais, c'est très sombre. Le titre reflète, je trouve, vachement ton univers, mm-hmm. sombre, dark. Du nombre à l'autre, pourquoi du nombre à l'autre? Du nombre à l'autre parce que c'est une succession de morceaux assez sombres qui me correspondent assez, avec des aspirations différentes, tu vois. Ouais. J'ai des sons où je serai plus dans le flow, plus énervé. Il y aura des sons qui seront plus posés, tu vois, ça va dépendre des sons, mais toujours dans une atmosphère assez sombre, assez pesante. Tu me confiais que tu t'avais l'impression d'être moins bon en rap, ou enfin je sais pas si c'est moins bon, mais tu me disais que tu avais l'impression d'être moins fort, moins porté sur le rap vraiment, et que tu pouvais peut-être des fois le ressentir, chose que moi je ressens pas. Parce qu'en fait bon, je rappe beaucoup moins qu'avant. Tu vois, je rappe beaucoup moins qu'avant. J'ai peut-être perdu au fil du temps le côté technique. Tu vois, je serais plus dans l'écrit. J'aime bien l'écrit, donc je serais plus dans l'écrit. Tu vois, ouais. Mais je serais moins dans la technique que j'aurais pu l'être à mes 20 ans. Ouais, forcément. Tu vois, ouais. Donc voilà quoi. Mais non, après j'ai pas de complexe. J'ai pas de complexe du tout. Ok, super. On va te faire découvrir un petit peu ton univers. Yes. Sombre, dark. Tu veux qu'on se fasse quoi comme titre ? Ben, on va partir sur Malbarré. Malbarré. Yes. Un gros son. Malbarré, un gros son. Un très, très gros son. Très gros son, Malbarré. Ouais, bon, on vous confie qu'il y a un truc qui s'est déclenché, qui n'était pas prévu. Bon, bref. Donc, du coup, l'O47, Malbarré, à tout de suite les sur Radio Active. Les aléas du direct. Yeah. L'O47. Hey, s'agit de se sentir les doigts du cul. Hey, ok. L'eau cas d'école, quand le rap déconne, sans en faire des tonnes. Depuis le cas d'école, je ne mixe pas pour ton phone, ne me coupe pas quand ça sonne. Mon phonétique bloc stock, c'est pas sauce dans mon froc, motherfucker. T'es entré dans ma zone, motherfucker. Comme Kuroko, je suis dans la zone, motherfucker. N'extorque pas, je troque ta fierté pour du toc. Ma tactique, l'attaque, fuck ta clique de TikTok. Mon socle, mes quatre murs depuis le temps que ça dure. Gardez-moi loin de l'amnésie qui sur la page n'est qu'une rature. Un troll, lui faire goûter mes grolls au sol. Mon flow affole les fous, le faillage se fuck, tu sens que c'est chaud de passer après l'eau ou de passer avant l'eau. Donc de fit avec l'eau, fais le coq. Pour les poules, je tapasse, courir ses socs. Le forgeron a consolidé tes tapons et tes apodes. Malbarré, fais donc face au raz-de-marée. On va se marrer avec ton blaze à barrer. Et on s'en bat les balais. Arrêtez de parler rap, vous posez sans être calé. C'est la nouvelle école sans diplôme, vous êtes la calée. L'action sera salée, des escarres pour les plus mal installés. Vous allez prendre une charge que la sécu ne va pas rembourser. En bout de course, c'est des corps essoufflés, des visages tu méfies. Même pas tu te méfies. Appelle-moi docteur March, mais son tout ne touche pas mes filles. Y'a que ma famille qui compte sans compter mes 12 bifs. Si y'a pompe, des gros pompes, on se dit plombe l'ambiance. Depuis la sarcellite, sarcelle donne la cadence. Danse au clair de lune avec le Joker. Je suis Michael Myers avec un regard de cocker. Imprévisible comme le Wu, un joueur de poker. Tu me vois pas venir quand je te dis d'aller niquer ta mère. Malbarré, fais donc face au raz-de-marée. On va se marrer avec ton blaze à barrer. Et on s'en bat les balais. Arrêtez de parler rap, vous posez sans être calé. C'est la nouvelle école sans diplôme, vous êtes calé. Malbarré, fais donc face au raz-de-marée. On va se marrer avec ton blaze à barrer. Et on s'en bat les balais. Arrêtez de parler rap, vous posez sans être calé. C'est la nouvelle école sans diplôme, vous êtes calé. Malbarré, fais donc face au raz-de-marée. On va se marrer avec ton blaze à barrer. Et on s'en bat les balais. Arrêtez de parler rap, vous posez sans être calé. C'est la nouvelle école sans diplôme, vous être calé. Malbarré, fais donc face au raz-de-marée. On va se marrer avec ton blaze à barrer. Et on s'en bat les balais. Arrêtez de parler rap, vous posez sans être calé. C'est la nouvelle école sans diplôme, vous êtes calé. Malbarré sur Radio Active, de retour sur Radio Active. Ouais, faut rester attentif avec l'eau. Il aime bien laisser défiler les prods. Exactement, parce qu'on est des anciens. Faut laisser la création parler. Exactement, dans les années 80-90, ça se faisait beaucoup. On laissait tourner les prods. parce que déjà pour le kiff, le fait de voilà juste d'avoir de l'instru, tu vois. Il y avait beaucoup moins d'instru à l'époque. Il y avait beaucoup moins d'instru, donc il y a des mecs qui prenaient ça pour pouvoir poser, tu vois, pour pouvoir enregistrer dessus. On en revient à DJ Mehdi un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Il prenait, il samplait, il accrochait ça, il revenait. Voilà, il y en a qui samplent, il y en a qui rappent directement derrière toi comme si ils étaient en fit, tu vois. Voilà, c'est des trucs qui se faisaient beaucoup à l'ancienne, mais moi j'aime bien même le concept de laisser respirer la prod, tu vois. Le kiff en fait. Ouais. Bah, tu me disais que t'étais pas à 100% dans le rap, que t'étais plus dans le beatmaking. Je le ressens absolument pas comparé à des mecs qui se disent à 200% dans le rap. Quoi. Bah, c'est cool. C'est cool. Lo 47. Yes. Lo 47, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur toi? Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs? Rien. Tu peux rien dire à nos auditeurs. Hein. Secret. T'es dans le secret. Tu connais déjà. Non, mais que dire à part que on fait du rap parce qu'on kiffe. On fait du voilà. J'ai un univers qui est pas forcément accessible à tous. Ça reste c'est sombre. Alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans des trucs. Tu vois, t'écoutes les radios, t'es dans du festif, tu vois, ouais, t'es dans des trucs où ça twerk. Tu peux nous dire un petit peu sur quoi t'as bossé jusqu'à maintenant, en fait, avant d'en arriver là, aujourd'hui? Ben écoute, il y a très longtemps, là, je parle comme le père Foura, il y a très longtemps, j'ai sorti un street album qui s'appelait Crystal Lake. Et quand je dis il y a longtemps, frère, j'avais lancé ça sur un Skyblog. Ah oui, effectivement, on est dans une autre époque. T'as capté. Là. Ouais, ouais. Voilà. Quelques années plus tard, j'ai sorti mon album Le Cas d'École. Ouais. J'ai enchaîné ensuite avec. Quelques années plus tard. Co-destruction avec Zico Cap. Ouais. Et puis, tu me parlais voilà, de collaboration avec des mecs du 9-5 avec deux groupes du 9-5. Ouais, on a j'ai bossé avec le groupe Esquila notamment. Esquila. Et toujours en contact avec eux. Toujours en contact. Dédicace avec eux. À eux, Esquila. Et puis je crois qu'il ira plus trop. En tout cas, il y a MacD du groupe Esquila qui officie toujours et non les autres ils ont arrêté, ouais. Et c'est dommage parce qu'ils étaient très très forts, mais il y en a un j'essaye de le remettre dans le bain. Ouais, mais c'est mort. C'est mort. C'est mort. Et puis voilà, j'avais mon groupe à l'époque, le BSF, les Blacks sans faille, avec mon Renoir Dero. Et l'autre, on s'en bat les couilles. Et l'autre, on s'en bat les couilles. J'ai pas le temps. Black sans faille, dédicace au Black sans faille. Dédicace au Black sans faille, moins un. Moins un, bon allez, moins un. Et puis voilà quoi. Voilà, ok, voilà. Lou. Lou, je te propose qu'on se fasse un deuxième titre. Qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse? Je sais plus sur... Qu'est-ce que j'avais ramené? C'est quoi la playlist? Ah, tu m'as ramené à l'ancienne, tu m'as ramené comme l'Hollandais, tu m'as ramené Gamin Suspect. À l'ancienne. Tu m'as ramené. On se fait à l'ancienne? On se fait à l'ancienne. Allez, on se fait à l'ancienne. Eh ben, Lo 47, à l'ancienne, sur Radioactive. A tout de suite. Yeah. Yeah. pur produit de mon époque. Yeah. C'est de mon EXP que t'es cop. Toi qui grandis comme un cyclope, laisse le process tourner. Quand les prônes cessent du mec, t'es l'antipop aux grandes dames de l'ingé. Cette symphonie macabre dont les saints fournissent la cam. Les touristes m'accablent, les puristes m'acclament dark. C'est de mon caractère autant que terre à terre. J'alterne tour par tour, ombre et lumière. Yeah. Sur boom bap, zéro culpabilité. Je tords ça comme en 90. Yeah. Le kiff est intact sans avoir vendu 90. À qui profite mon crime? Génocide lyrical sans mobile balle. Perdu sans que tu vailles 1000 balles. Mille fils, je suis SAR autant que tu sers à rien. Vieux de la vieille, du 100-5, rien que ça fracasse. En vintage, je fais rouler ma carcasse. Ils se vantent de me voir dans le rétro, ils n'ont même pas de lave-glace. Why? Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Tu sais ta mère la ch. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Tu sais ta mère la ch. Je te donne la chair de poule, appelle-moi KFC. Mon son après la digestion, appelle le KFC. C'est QFD, c'est logique sans QCM, c'est évident comme le GR sur. Je remets l'église au centre du village. Le hip-hop a raté le virage, trop faussaire dans son sillage. Virage pendant son Nicki Minaj. À ce qui paraît, j'ai plus l'âge, que mes espoirs sont des mirages. Ça fait un pas que mes rêves sont enfouis sous du cirage. Je suis à l'ancienne comme Gabin. Ma voix sur ta tête, mon flow tel un canon sur ta tempe, hein. Ne t'attends à rien de ma part. De vos cursus, je suis à part. Pour ça que j'ai fait le cas d'école, connard. Why? Laisse les traîtres sur le trottoir se prostituer pour exister et avoir un peu de gloire. Mais qu'il reste en dehors de mon histoire. Avec ces bâtards, je ne partage pas mon miroir. Jamais. Moi, Renoir, je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Yeah. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. Tu sais ta mère la ch. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. Tu sais ta mère la ch. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. Tu sais ta mère la ch. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. Je m'en bats les couilles d'être à l'ancienne. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. Tu sais ta mère la ch. Chienne. Log 47 à l'ancienne sur Radioactive. Yes. YOLO. Tout va bien? Ouais, écoute, on est là, hein. Ça on va, kiffe. Tu sens bien. Ouais, on kiffe, on est kiffe, là. Ça va. Il y a du coca. Cool. Il y a du coca. J'en bois pas, mais c'est pas grave. Ah, écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. On boit de l'eau, frère. On boit de l'eau. C'est la ça. Vie, frère. C'est la bon vie. Pour la santé, de l'eau. C'est la vie. À l'ancienne, comme tu nous disais tout à l'heure, on est des anciens, 80, 90. Grave. Et du coup, ça me fait penser à un titre qui y aura sur mon album. Qui s'appelle À l'ancienne. On s'est pas copié, on s'est pas concerté, rien du tout. Et le titre porte le même nom. C'est pas grave, hein. On va pas en changer, hein, c'est comme ça. Frère, on est des anciens, il n'y a pas de, mystère, hein, frère, c'est normal ça revienne. Ouais, je propose à nos auditeurs qu'on découvre tout de suite un troisième titre. Tu veux qu'on se fasse quoi là? On va partir sur Gamin Suspect. Comme un suspect. Ouais, featuring Zico Cap. Zico Cap. Grosse dédicace à Zico Cap. Grosse on a dédicace eu l'occasion à ce fou. Ouais, on a eu l'occasion de collaborer un petit peu ensemble déjà. Yes. Et on aura le plaisir de le recevoir bientôt pour son nouveau projet, pour qu'il défende un petit peu son nouveau projet. Gamin Suspect, Lo 47, featuring Zico Cap sur Radioactive. A tout de suite. L'instru est suspect, sale. Ma m'appelle pas la famille, je vais te faire une ligonnaise. Un paquet de consanguins qui font que des nigonnaises. Je suis du 9-5, pas de Sergi ni de Gonesse. Ici c'est S.A.R. évitant que les nids connaissent. MC Alzheimer, aujourd'hui c'est la norme. Je l'ai vu mon silence sous un coussin mémoire de porn. Pas la faute de ton daron, s'il a des cornes. Faudrait dire à ta daronne d'arrêter de liker mes coms. Nomme-moi l'eau 47, appelle-moi le squatter quand sur le beat je rentre à sec. C'est soudain et douloureux, mais c'est ainsi qu'il aime le mieux et qu'il aime le suivre pour prendre mes phases à la gueule. L'eau comme ma guélélé, je m'en tape de quitter, je ne cherche pas à les quitter. Tu seras surpris de voir tes dents te quitter. Et solidariser. 1, 2, 3, me voilà qui fait ha ha ha. Insolent, je vais te noyer dans le Sahara. Insolent pour broyer tout au tralala. Il t'a dit, un mec sur deux, c'est du blablabla. Bla bla. La MPC de l'eau, c'est la caverne d'Ali Baba. Le flow est suspect comme la mort de Juan Bala. Suspect comme les propos de Mbala. Dieu t'a donné la foi. Incroyable mes propos, super lapin. On te laisse sous terre ou sous perf, pas venu enfiler des perles, papa. Tous tes gosses seraient pas leur père, crois-moi. Je préfère être seul que dans l'embarras. Mes soucis, je les laisse dans le débarras. Un petit couple puéril pour ton désarroi. Garde ton putain de trône pour les miens, je suis okay, déjà Zico. Je reprends ton flow, tu ne m'en voudras pas. Car il va bien falloir qu'il ressente la date pas. Je pointe la lune et le teubé regarde mon doigt. C'est son choix, ma pizza je la prends avec des anchois. Face de gamin dont je suis le chef. Phlegmatique mais puissant comme l'était le bref. Sors ta lampeau, je te sors le break. 407 sans le zéro, ton italienne en miette. Tu veux tester l'eau et cap cozy. Ton flow est aride, le désert de Gobi. Avale toutes ces rimes que l'on dégobie. Hein? Je peux pas faire autrement, j'ai une grenade, je la dégoupille. Ne cherche pas à savoir qui découpe qui. La con de ta mère, Akuma, c'est aussi Cookie. Faut rester à l'affût sur Radioactive avec les prods de l'eau 47. Yes. Gamin suspect, l'eau 47 featuring Zico Cap sur Radioactive. Pourquoi ce titre, Gamin suspect? Pourquoi ce titre? Parce que quand t'écoutes les paroles, on est en mode, c'est un écho trip. On est en mode, t'as des phases de gamin. Moi, j'aime bien et Zico, c'est pareil. Tu sais, on aime bien aller dans des phases de gamin ou des phases où tu gaulerie ou des phases où tu vois t'es... Mais du coup vous êtes plus ego trip ou rap à thème? Moi je suis plus à rap à thème de base. Le rap à thème c'est un truc qui me plaît plus parce que il y a parce que j'aime bien moi le rap qui parle de quelque chose, tu vois. J'aime bien le rap qui parle de quelque chose, j'aime bien le rap qui raconte, tu vois, qui raconte des choses, bien limite bien sûr, qui fait découvrir des choses, tu vois. Moi, le rap que j'aime, c'est le rap où je peux découvrir des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de rappeurs qui vont te parler, je sais pas moi, de leur quartier, de la drogue, de ceci, de cela, frère. Mais là, tu me parles d'un truc que je connais parce que tout le monde connaît ça dans les quartiers, tu vois. Donc, je préfère le rap à thème qui me parle et qui me fait découvrir des choses. Maintenant, l'ego trip, j'aime bien aussi. Ça, c'est de la récréation, tu vois. Malgré que dans ce EP, tu vas retrouver plus d'ego trip. Mais ouais, mon truc de prédilection, c'est le thème. Combien de titres? 9 titres. 9 titres. Disponibles ouais. Sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Exactement, du nombre à l'autre depuis du nombre à l'autre depuis le 20 octobre. Depuis le 20/10. C'est ça. 2025. Yes. On se refait un titre? Oui. Tu veux qu'on se fasse quoi? Écoute, on va partir sur l'Hollandais avec. L'Hollandais? Avec Zico allez, Cap encore une fois. Allez, avec Zico Cap encore une fois, il est partout le monsieur. Zico Cap, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Zico? Zico, c'est un malade. C'est un malade. C'est quoi, c'est un ouf. C'est un gros rappeur. C'est un gros rappeur, très talentueux. Ouais. Humainement, c'est un très bon gars. On s'apprécie vraiment humainement comme artistiquement parce qu'on a les mêmes inspirations. On aura l'occasion de le recevoir incessamment sous peu sur Radioactive pour qu'il défende son projet. Ouais. Il sera pas avec une meuf. s'il est pas coincé avec une meuf, je sais pas où. Non, je rigole. Je vais le mettre dans les problèmes. Mais Zico Cap, gros artiste. Et comme je vous disais, on va le recevoir bientôt pour parler de son projet. Ouais. Et vous avez déjà sorti un truc en commun. Ouais, on a sorti Co-Destruction, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Co-Destruction. Collaboration où moi je suis assez en retrait niveau rap. Je crois que j'ai rappé sur 3 ou 4 morceaux. Ouais. Après tout le reste c'est lui. Moi je me suis occupé des prods principalement. Ok. Et puis ouais, comme je disais, c'est des inspirations new-yorkaises toujours. On a les mêmes inspirations, c'est beaucoup dans le style Wu-Tang. Et puis voilà quoi. Ça a envoyé assez lourd. On a eu des bons retours. Donc voilà. Et là, on prépare le en exclusivité sur Radioactive. On prépare le 2. Voilà, c'est en cours de préparation. Co-Destruction 2. Co-Destruction 2. Ouais. Ouais, Co-Destruction 2. Le titre, il m'a fait rigoler parce qu'il s'appelle Comme l'Hollandais. Ouais. À ne pas confondre avec Comme le Landais. Non, rien à voir avec. Rien à voir avec Nordal. Rien à voir avec ne Nordal. Ne le libérez pas. On est d'accord. On fera pas de t-shirt. On fera pas de t-shirt libéré. Il reste où il est. Non, l'Hollandais, c'est un pote à nous de Sarcelles. Et en fait, bon, dans le couplet, le premier couplet notamment, que j'avais écrit, je finissais par Comme l'Hollandais. Et avec la suite qui allait derrière. Ouais. Et Zico a repris le même gimmick en fait à la fin de son couplet. Et du coup, on a décidé de l'appeler comme ça. Tu vois. D'accord. En tout cas, j'ai bien rigolé en voyant le nom. Lo 47, yes. Featuring Zico Cap, Comme l'Hollandais sur Radioactive. A tout de suite. C'est paradoxal, tu fais le show mais tu te fais shooter par un toxeur. Un circulaire dans le gosier, tu fais le danseur. Un rondin dans le menton et tu fais le penseur. Calogéro en apesanteur, sans ascenseur. Use de la ponte comme un engrais qui ferait pousser les burnes. En avance comme Sony, je suis légendaire comme Sega Saturn. T'es un acteur déjà à genoux, quand on dit ça tourne à Kawika, la coule se fait fourrer par ses genoux. Et si c'est Seltzar, le seul safari à faire des Ferza. Malgré ton gabarit, nég en moins pas carré. C'est pas carré, voilà ce qui fait qu'on tourne en rond, l'ami. Un laser pointé sur ton front, tu deviens doux, l'ami. Je viens pas rafler la mise, mais rafaler leur foutaise. Aiguisé comme un tesson de bouteille, pas sûr que ça vous plaise. C'est guess get, l'épitaphe sur ma tombe. Comme l'Hollandais jusqu'à ce qu'on me plombe et que ma casquette tombe. Hello. Regarde-les faire les faux penseurs. Tournée de Baf, Terence Hill et Bud Spencer. Esprit tourmenté, la ballerine se prend pour boxeur. RS6 sur les réseaux se prend pour bosseur. La vie c'est Tina Turner face à Ike Tyson. Matthew Perry contre Perry Mason. Accouchement sans péridural, accoutrement dans le déni durable. Mon flow, la face qui fuse à l'oreille de Trump. Vince Carter, Anna Michi sur un slam dunk. DJ Mehdi, 113 sur du Daft Punk. Elle t'a dit qu'elle t'aime, mais t'as ta suck. Tu souris, t'es sympa, mais t'as le seum. Ils veulent le bras de Dalsim, se la raconte dans leur Dacia. Impossible comme une vierge avec le Das. Basta route et basta, j'te le dis, j'démarre en trombe comme l'Hollandais jusqu'à ce qu'on plombe et que ma casquette tombe, casquette tombe, casquette tombe. Finish. restons attentifs sur Radioactive. Lo 47, Zico Cap, comme l'Hollandais, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Yes. Sur le projet Du Nombre à l'Autre. Yes. Yes. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur ce titre? C'est un titre, mais toujours dans la sombritude. Ouais, toujours, toujours, toujours. Univers très sombre, instru très sombre. Et puis voilà, c'est un exercice de... c'est même pas un exercice de style d'ailleurs, c'est un éco-trip, on se fait plaisir quoi, tu vois. On se fait plaisir, on balance des phases, voilà. Ok. Lo 47, on enchaîne tout de suite. Yes. Qu'est-ce qu'on se fait? Code 414. Allez, on va se faire code 414. Allez, vas-y, je te laisse en parler. C'est un plaisir personnel pour moi. C'est un plaisir personnel pour moi que tu parles de ce titre, toi-même, tu sais. Je veux que je fasse ta pub. Ouais, bah en fait, c'est un morceau à toi, hein. Ouais. C'est un morceau à toi qui est dans ton projet Dragon Fear Z. Ouais, j'ai plus envie de dire c'est un morceau à nous parce que tu fais beatmaking dessus, rappeur, et c'est toi qui as fait tous les arrangements. Donc c'est un morceau à nous plutôt. Ouais, non mais quand je dis à toi, c'est dans c'est-à-dire dans mon projet Dragon Fear Z. Voilà. Ouais, qui est sorti en juillet sur toutes les plateformes de téléchargement légal Dragon Fear Z. Exactement. Voilà. Ah, t'aurais dû me laisser le dire là, parce que là ça fait conflit d'intérêt là. Tu sais, on fait ce qu'on aime avant tout, hein, donc voilà quoi. Non, et puis c'est un gros son. C'est un gros son. C'est un très très gros titre. Je t'avais envoyé la prod, t'avais kiffé. Il y a Venom dessus. Venom. Gros artiste, Venom. On espère le revoir bientôt dans le rap. Une petite pépite du rap français. Petit J'espère jeune, que vous en entendrez parler. Petit jeune très prometteur. C'est ça. Très prometteur. Absolument. Et parce que c'est une voix aussi. Il a une identité vocale assez forte. Ouais, il a tout un univers. Il a un style, en fait, il a un univers. Donc, voilà. Et puis, il a apporté vraiment un truc frais, un truc... C'est ça, il a ramené le brin de jeunesse sur le morceau, je trouve. C'est ça. Avec un petit flow, Enfin voilà, moi je trouve... c'est un gros morceau, je trouve. Yes. Donc, et aussi, on avait fait appel donc à un scratcher à l'ancienne. Hein, yes. Raphaël, grosse dédicace à Raph. Très gros scratcher. Ouais. Il est aussi connu sous le nom de Difa Photographie. Vous pouvez aller check ça sur Instagram. Ça se perd le scratch. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de scratch dans le rap qui pourtant fait partie dans la discipline du hip-hop. Hein. Ouais. Donc ça fait toujours plaisir de ramener ça et surtout quand c'est bien fait. Et il a bien fait. Et vraiment gros travail de Raphaël. Vous pouvez le check sur tous les réseaux, je pense Instagram, Difa Photographie, parce qu'il a plusieurs passions. Il œuvre à Blois. Donc voilà, pour tous les amateurs de photos et de scratch, Raphaël, Difa Photographie. Yes. Je te propose qu'on écoute le titre tout de suite. Fear Z, featuring Lo 47 et Venom. À tout de suite sur Radioactive. Lo 47 Venom, la combi prod poto, la combi prod poto. Je reviens comme Doumbé, en un coup je te terrasse. J'ai pas que ça à faire, je dois bronzer sur ma terrasse. Le son c'est mon terrain, nous respecter sans intérêt. Découplé y'a un terrain, la famille c'est le terreau. Je reviens pas pour toi, t'inquiète pas, j'ai atterri. Ma fin en enterrine, j'en finis atterré. Le cerveau altéré, j'en ai repris les altérés. Aussi kabyle que mon perlé, sur mon front la sueur a perlé. Ça parle de dizaines de cas maintenant qu'il faut qu'on stocke. Tout comme toi mon frère, on a grandi en bas des blocs. Te mets pas devant maintenant à venir jouer les stocks. Mentalité d'ancien dans tous les bises, il faut qu'on croque. Faut qu'on croque, même extro piégé pied. Faudrait qu'on choque, ils m'ont perturbé, piégé. Et toc et tant que je respirerai. J'ai jamais baissé les bras, j'ai la foi et il le sait. Faut qu'on blesse, que l'on tabasse, qu'on vive, qu'on se prélasse, éloigne tous les parasites qu'on vit. Dans un palace, je cherche plus aucun trophée. Du rap, j'en ai trop fait, le temps passe trop vite. J'allais dire les faits, faut qu'on blesse, que l'on tabasse, qu'on vive, qu'on se prélasse, éloigne tous les les parasites qu'on vit dans un palace. Je cherche plus aucun trophée du rap, j'en ai trop fait. Le temps passe trop vite, j'allais dire les faits. Le beat agrippe les tripes comme un couteau cranté. Tu vas triper sur l'équipe à faire des saletés sans être ganté. J'engrange les phases comme les prières dans le gant. Je t'ébarre, je tape à les ailes pour y faire le saut de l'ange. Mes démons dictent des répliques trop puissantes pour s'appeler punchline. Frère, un déclic t'envoie au sunshine. Mon seul charme, c'est ma plume, je l'assume. Une cabine, je l'affle. Une fois n'étant pas coutume, l'eau 47 process. Ni mon talent comme une grossesse, ni grossesse de pester. Mes mots vont te molester. J'exerce mes techniques comme des jutsu. Et je me fous de tout, la passion passe avant beaucoup de sous. Ma passion passe avant beaucoup de sous. Je lâche des coups de pouce avec des phases qui les découpent tous. Ma passion passe avant beaucoup de sous. Je lâche des coups de pouce avec des phases qui les découpent tous. Faut qu'on blesse, que l'on tabasse, qu'on vive, qu'on se prélasse, éloigne tous les parasites qu'on vit dans un palace. Je cherche plus aucun trophée du rap, j'en ai trop fait. Le temps passe trop vite, j'allais dire les faits. Faut qu'on blesse, que l'on tabasse, qu'on vive, qu'on se prélasse, éloigne tous les parasites qu'on vit dans un palace. Je cherche plus aucun trophée du rap, j'en ai trop fait. Le temps passe trop vite, j'allais dire les faits. Pire c'est l'eau 47, froid comme un spectre. Gars la concu c'est du smec, je la fume sous 47 taf. Tu parles crevé sous 7 balles, tu joues les lions tes Simba. C'est que le début je m'arrête pas, je me tape plus pour des red bars. Depuis que t'es né t'es fâché, la vie est grise nous froisse. Culpabilise des péchés mais nique sa mère faut qu'on brasse. Je me suis dit que j'avais qu'une vie mais mes choix me suivent dans les 7. Double face, mauvaise facette, remplis l'assiette, j'taille aux Seychelles. Comme Vladimir j'y j'ai rien à dire. On pense trop donc sur le joint ça tire. J'souhaite la mort qu'à ceux qui touchent les petits. J't'appellerai mis à mort si ma vie était un film. Faut qu'on blesse, que l'on tabasse, qu'on vive, qu'on se prélasse, éloigne tous les parasites qu'on vit dans un palace. Cherche plus aucun trophée du rap, j'en ai trop fait. Le temps passe trop vite, j'allais dire les faits. Faut qu'on blesse, que l'on tabasse, qu'on vive, qu'on se prélasse, éloigne tous les parasites qu'on vit dans un palace. Cherche plus aucun trophée du rap, j'en ai trop fait. Le temps passe trop vite, j'allais dire les faits. Faut qu'on blesse, que l'on tabasse, qu'on vive, qu'on se prélasse, éloigne tous les parasites. Parasite qu'on vit dans un palace, je cherche plus aucun trophée du rap, j'en ai trop fait. Le temps passe trop vite, j'allais dire les faits. Faut qu'on blesse, que l'on tabasse, qu'on vive, qu'on se prélasse, éloigne tous les parasites qu'on vit dans un palace, je cherche plus aucun trophée du rap, j'en ai trop fait. Le temps passe trop vite, j'allais dire les faits. Ma passion passe avant beaucoup de sous. Je lâche des coups. Je lâche des coups. Ma passion passe avant. Ça vend beaucoup de sous. Je lâche des coups de pouce. C'est avec des phases qui les découpent tous. Des phases qui les découpent tous. De retour sur Radioactive, Fear Z, Lo 47, Venom, yes. La Combi Prod, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, code 414. On s'est aussi amusé à faire un petit tout en images, qui est également disponible partout, YouTube, Insta, Facebook, enfin voilà, qui est aussi disponible partout. Yes. Lo 47, on va parler d'un titre qui s'appelle Claustrophobia. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Claustrophobia, c'est... C'est la mort. C'est la mort. C'est sombre, quoi. C'est la sombritude totale. Bah écoute, claustrophobia, comme son nom l'indique, ça parle de la claustrophobie. Ouais. Donc un thème. On est sur un thème, pour exactement. Le coup. Exactement. Ouais. Qui parle à beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont claustrophobes, hein, tu vois, dont moi, tu vois. C'est vrai. Ouais, j'ai moi pendant longtemps, frère, monter dans des ascenseurs, c'est une galère. Ouais, à ce moment-là. Monter, frère, moi, je t'ai dit ça, mais monter dans des ascenseurs, faire une IRM, tu vois, frère, moi, tu mets dans la machine pour l'IRM, frère, je laisse tomber. Je suis en galère, donc voilà quoi. C'est un son qui est très sombre, que j'ai voulu de toute façon très sombre, que j'ai voulu très oppressant. C'est pour ça que on ressent l'oppression dans le titre, même au niveau du mix ouais. J'ai retiré tous les effets de spatialisation. D'accord, pour justement donner cet effet de renfermé. Exactement. tu vois, la spatialisation en temps normal fait que tu ouvres bien le sûr. Son ouais. Et que ça sonne large. Là, j'ai retiré, c'est-à-dire que tu n'as pas de reverb, tu n'as pas de tout ça. Ouais, tu vois. Et puis, exactement. Et du coup, c'est un son que j'aime beaucoup. Au niveau de l'influence, là, pour le coup, on n'est pas trop sur du Wu-Tang, on sera plus sur une influence Griselda, pour ceux qui connaissent. Tu ouais. vois. Et puis voilà quoi. C'est un son. Moi j'aime beaucoup ce son. Ok, et eh ben je te propose que nous écoutions ça tout de suite. Lo 47, d'une ombre à l'autre, Claustrophobia yes. sur Radioactive. Je suis ton angoisse, ta phobie la plus profonde. Tels des espaces restreints là-haut, fantômes et démons se confondent. Tu fermes les yeux, tu t'imagines dans un cercueil enterré, six pieds sous terre de ton souffle, tu fais le deuil. Ton cœur palpitant, prêt à pulvériser ta poitrine. La gorge nouée, t'as pas aidé du temps avant que ça se termine. Bloqué entre quatre planches, la mort te fait du pied, pas besoin de montrer patte blanche. Tu transpires dans l'ascenseur, t'as 12 étages à monter. Un peu comme si ta peur voulait mesurer ta volonté. Mais c'est chaud, cet enfoiré s'est bloqué. L'angoisse monte et fait remonter tous tes mauvais côtés. Hurle tant que tu veux avant de tourner de l'œil, actionne l'alarme à chaise. Hurle tant que tu peux. Coincé comme un spéléologue dans une ouverture de 60 cm. Tu suffoques, tu suffoques, tu suffoques. Étreint par la roche, ta cage thoracique bloque aucun être au monde né bien dans ses pompes. Qui préfère mourir ainsi plutôt que d'un coup de pompe. Claustrophobia, même passer un scanner te rend dingue, tu sens ton cœur qui bat. Ferme les yeux et pense à des choses agréables, mais allongé sur le dos, tu es à deux doigts de péter un câble. Claustrophobia, dans une pièce exiguë où les murs rétrécissent et le plafond s'apaisse, l'oxygène baisse, tes espoirs ça me nuise. Dans un sursaut, tu comprends que ce n'était qu'un mauvais rêve. Claustrophobia, tu te réveilles conscient mais bloqué dans un corps immobile. Ça s'appelle paralysie du sommeil, loin d'être un truc de débile. Tu ne peux pas te réveiller car ce n'est pas un mauvais rêve. Claustrophobia, l'affrontéphobia. Ah oui, faut rester sur le qui-vive comme d'habitude avec Lo 47 sur Radioactive. Du nombre à l'autre disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal depuis le 20/10/2025. Mais aujourd'hui, je me force à prendre l'ascenseur. Quand j'ai l'affronter, faut bien, j'applique. Et ben, moi, je préfère prendre les escaliers, je vais pas te mentir. Et ça a toujours été. Et c'est bon de prendre les escaliers. C'est bon de prendre les escaliers. Oui, pour la santé, c'est bon. C'est bon, tu vois, je veux dire. C'est bon pour la santé. Mais je traite ma phobie par. Le mal par le mal. Exactement, le feu par le feu, tu vois. Donc aujourd'hui je monte dans les ascenseurs, frère, j'appuie sur le bouton, je ferme les yeux et j'attends que ça se passe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais je suis dedans et le truc, tu vois, on affronte. Donc c'est bien, c'est voilà. Bien. C'est bien. Comme ceux qui ont la peur du vide, comme toutes les phobies. Hein, vous avez peur du vide, faites du saut à l'élastique, faites du saut en parachute. Ouais. Ou un tour de manège qui va un petit peu haut. Faut y aller au bout d'un moment. Claustrophobia, et ben encore un gros titre de Lo 47. Merci. Lo 47, on va se faire un dernier titre quand même. Mm. On va se faire un Lo 47 featuring Zico Cap, encore yes. une fois. Yes. Un morceau qui s'appelle Ice Cream. Je vais juste faire une rectification. C'est plus Zico Cap featuring Lo 47, puisque c'est un son qui est dans son projet. D'accord. Projet ICU. ICU. Qui est sorti. Qui est sorti, que vous pouvez trouver en téléchargement sur. Ah non, et celui-là, il n'est pas en téléchargement sur les plateformes. Celui-là, il est sur YouTube. Est sur YouTube. Voilà, ICU. Zico Cap, tout attaché. Z-I-C-O-C-A-P. Tout attaché sur YouTube. Vous allez retrouver le projet ICU en entier. Eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous dans à peine quelques instants sur Radioactive. A tout de suite. Les MC font des calanques pour pas de calanques riches, brûlent des billets comme Serge Gainsbourg. Est-ce que le gars a menti? Les pompiers ne te seront d'aucun secours. Tête brûlée, faites faux, je viens ramasser les Gainsbourg. Protect Yannick, si t'es casse-cou, je vais te donner le coup de grâce, ça rend fou. Rien à foutre de ton état, tant que les comptes se rend flous. Je vous laisse vous renifler le cul. J'ai trouvé le bon coup, braquage vocal comme psychiatre. J'aurais percé si j'étais sur autopsychiatre. Complet, si l'internaute n'apprécie pas, rien à foutre. Si le rap me scie, d'arriver au Parc des Princes comme un messie. De savoir que la messe est dite, de savoir qu'un tel a dit des mérédites. Bouge ta graisse, monte ton anatomie. Sur sous ta cul, t'as la montagne. Je te monte dessus, c'est pas un Tommy. J'ai bientôt crevé, bridge, on prépare le biopic. J'ai des souvenirs épique, des mecs qui se peignent pour tout battre, mais qui courent tellement vite. On boit de la bière et eux de l'épargne. On se demande pourquoi ils s'y suent. Que Dieu les épargne ou les épargne. J'ai pas changé mon fusil d'épaule. J'continue la mélodie des pauvres. Les MC autour de nous comme des épaves. Écrit des pavés, des rimes m'éclatent. Au purée, le style est épuré. C'était trop facile à ce qui paraît. Je vais écrire mon passé dans ce futur imparfait. Faire des blagues de pauvres à ton enterrement. C'est rien, t'inquiète, je suis seul entertainment. J'ai tellement navigué sous les radars. Je suis de retour en torgnole, je suis pas radin. Je suis pas avare, je déchoume les avarices. Esquive ta meuf, ses vices et ses varices. Si le flow varie, t'y comprends rien, relis l'advice. La vitam éternam, je te traumatise. Balance des clichés dans ton crâne, tel un vétéran du Vietnam. Ne réclame pas de moi l'impossible comme toi. Je suis de ceux qu'on cible, de ceux qu'on cite, de ceux qu'on voit, du mauvais œil. Dis lunatique, juge-moi du bon côté où ça deviendra problématique. Et sans fils, sans piternel, et la face vise la face. Je suis précis comme les balles de Tsitsipas. Qu'est-ce qui se passe? Là-haut c'est 47 et non calbo. J'ai caboté le micro pour qu'on dise que l'eau vient pas faire le beau. Zico, I see you nigga. Dans la ligne de mire, ils ont cru en les pires. Alors qu'ici ça virait tire sans se travestir. Mais fuck that, nous on tue ça comme d'hab. Nous on tue sur Pompap. Nous on nique ton vieux rap. Nous on baisse tes projets. On baisse le fait de rimer. On nique ta technique claquée. On fuck les Tupac Jacouille et leur flow tout périmé. On vous prend pas au sérieux parce que vous êtes tous sachés. Y'a rien qui sort de foudouille à part vos couillophilisés. Yeah. Laisse-moi en remettre une couche et leur faire une golden douche. Laissez ces cons sur la touche et qu'ils aillent branler les mouches. Même si j'aime gamin, Zico Peka. Ça sera classique comme la Purple Tape de Rec One. On se rafraîchit, Ice Cream à Tech One. Ma criminologie au mic, rapide comme Tech Nine. Pas d'apologie. Ça sera classique comme la Purple Tape de Rec One. On se rafraîchit, Ice Cream à Tech One. Ma criminologie au mic, rapide comme Tech Nine. Pas d'apologie d'artiste, juste un gros lobby de rime. I see you. Je t'avais dit, Zico Cap, Lo 47, I See You, disponible sur YouTube, le projet entier. Yes. Lo 47, l'émission va toucher à sa fin. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, peu importe le réseau, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu vas me trouver sur YouTube, okay. En tapant... The 47 The Beatmaker Low. Voilà. Ouais. Tout attaché. Pareil pour Instagram. Ouais, pour Insta, je crois que si tu tapes Loka, L-O-K-A, normalement tu trouves aussi. Ok. Et puis voilà. Et tu nous rappelles ton projet. Du nombre à l'autre. Sorti depuis le 20 octobre. 9 titres, dont 2 avec Zico Cap. Et puis voilà, tout produit par moi-même, au niveau beatmaking, à tous les niveaux. N'hésitez pas à aller check tout ça si vous voulez en savoir plus sur l'homme sombre. Si vous voulez de la noirceur. Si vous voulez de la noirceur. De la noirceur à souhait. Lo, je vais te remercier. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invite. Merci à toi. Merci à vous, les auditeurs, de nous suivre fidèlement. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la playlist de Fear Z. Merci beaucoup. À bientôt sur Radioactive. C'est ça, freestyle. Ok. Bienvenue sur Freestyle, l'émission des cultures urbaines. On reprend tout à zéro, on reprend tout à zéro. On s'active sur Radioactive. Faut de l'espoir pour réussir, ici c'est Freestyle.